dessinée. C'est la faute à Bad Chance. Mais je vois plein de frères d'âme la paix tape assez. L'envie t'a passé le temps, tiré en arrière et t'es tombé.